Mérimée expose alors à son lecteur l'origine de la rivalité entre la famille Della Robbia et la famille Barrichina, histoire remontant au XVIe siècle. Après une première offense et une première vendetta, les chefs des deux familles, expatriés lors de la domination génoise, ne s'étaient plus rencontrés jusqu'aux dernières années du XVIIIe siècle. Alors, l'animosité reparut entre Guilfuccio, le père d'Orso, militaire, et Giudice Barrichini, avocat. Ce dernier, à la Restauration, devint maire du village de Pietranera, où revenait vivre le colonel en demi-solde Della Robbia. Ce fut la guerre à tout propos, jusqu'au jour où le colonel fut assassiné. C'était à quelques distances du village. Il put, avant de mourir, écrire le nom de son meurtrier sur son carnet, qui fut remis au maire. Quand le juge d'instruction ouvrit le carnet, il y trouva le nom d'un bandit qui devait être tué dans le maquis quelques jours plus tard. Mais la famille Della Robbia accusa le maire d'avoir déchiré la feuille accusatrice et d'avoir, sur un autre feuillet, écrit un nom, Agostini, qui n'était pas celui de l'assassin. Cependant, l'instruction déchargea le maire de tout soupçon et de toute accusation. Soit que l'arrivée de sa sœur eût rappelé à Orso avec plus de force le souvenir du toit paternel, soit qu'il souffrit un peu devant ses amis civilisés du costume et des manières sauvages de Colomba, il annonça, dès le lendemain, le projet de quitter Ajaccio et de retourner à Pietranera, leur village natal. Mais, cependant, il fit promettre au colonel de venir prendre gîte dans son humble manoir lorsqu'il se rendrait à Bastia, et en revanche, il s'engagea à lui faire tirer daim, faisan, sanglier et le reste. La veille de son départ, au lieu d'aller à la chasse, Orso proposa une promenade au bord du golfe. Donnant le bras à Miss Lydia, il pouvait causer en toute liberté, car Colomba était resté à la ville pour faire ses emplettes, et le colonel les quittait à chaque instant pour tirer des goélands et des fous, à la grande surprise des passants qui ne comprenaient pas qu'on perdît sa poudre pour un pareil gibier. Il suivait le chemin qui menait à la chapelle des Grecs, d'où l'on a la plus belle vue de la baie, mais il n'y faisait aucune attention. « Miss Lydia, » dit Orso après un silence assez long pour être devenu embarrassant, « franchement, que pensez-vous de ma sœur ?»« Elle me plaît beaucoup, » répondit Miss Neuville. « Plus que vous, » ajouta-t-elle en souriant, « car elle est vraiment corse, et vous êtes un sauvage trop civilisé. » Trop civilisé. Eh bien, malgré moi, je me sens redevenir sauvage depuis que j'ai mis le pied dans cette île. Mille affreuses pensées m'agitent, me tourmentent, et j'avais besoin de causer un peu avec vous avant de m'enfoncer dans mon désert. Il faut avoir du courage, monsieur. Voyez la résignation de votre sœur. Elle vous donne l'exemple. Ah, détrompez-vous. Ne croyez pas à sa résignation. Elle ne m'a pas dit un seul mot encore, mais dans chacun de ses regards, j'ai lu ce qu'elle attend de moi. Que veut-elle de vous, enfin ? Oh, rien. Seulement que j'essaie si le fusil de monsieur votre père est aussi bon pour l'homme que pour la perdrix. Quelle idée ! Et vous pouvez supposer cela, quand vous venez d'avouer qu'elle ne vous a encore rien dit. Mais c'est affreux de votre part. Si elle ne pensait pas à la vengeance, elle m'aurait tout d'abord parlé de notre père. Elle n'en a rien fait. Elle aurait prononcé le nom de ce qu'elle regarde, à tort, je le sais, comme ses meurtriers. Eh bien non, pas un mot. C'est que, voyez-vous, nous autres, Corses, nous sommes une race rusée. Ma sœur comprend qu'elle ne me tient pas complètement dans sa puissance et ne veut pas m'effrayer lorsque je puis m'échapper encore. Une fois qu'elle m'aura conduite au bord du précipice, lorsque la tête me tournera, elle me poussera dans l'abîme.